Rose du soir de René Vivien, enregistré pour LibriVox.org. Des roses sur la mer, des roses dans le soir, et toi qui viens de loin, les mains lourdes de roses, j'aspire ta beauté. Le couchant fait pleuvoir ses fines cendres d'or et ses poussières roses. Des roses sur la mer, des roses dans le soir. Un songe évocateur tient mes paupières closes. J'attends, ne sachant trop ce que j'attends en vain, devant la mer, pareil au bouclier d'airain. Et te voici venu en m'apportant des roses. Ô roses dans le ciel et le soir, ô mes roses. Fin du poème, enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.